Chapitre 23e, l'otage. Miss Eden le suivit dans un salon où se trouvait déjà Thorntwig. « Je vous demande pardon, cher ami, » dit Zygomar, qui affectait toujours avec Miss Eden la plus parfaite courtoisie. « Je vous demande pardon de vous arracher déjà, darling, mais dans quelques instants vous irez la retrouver, et ce sera pour n'en plus jamais être séparés. Je vous écoute. » « Je dois seulement vous rassurer sur l'avenir et vous dire comment et pourquoi je vous ai entraîné ici aujourd'hui. Je serai bref. Le temps me presse. Dans une heure, je dois être à la gare de Lyon, avant de prendre livraison d'un certain colis que garde précieusement le célèbre Paulin Broquet. » Puis, ayant échangé avec Thorntwig un regard plein d'ironie, il reprit « C'est pour cela que vous êtes ici, cher ami. Cette rencontre sera probablement la dernière que nous aurons avec ce génial détective. » Nous croyons, nous sommes presque certains que nous gagnerons la partie. À l'heure qu'il est, Paulin Broquet est déjà battu dans tous ses préparatifs. Le précieux colis qu'il a eu l'idée saugrenue de transporter à la gare dans un fourgon dit panier à salade, pour le dérober à nos yeux, cette caisse d'or, il vient de la confier à des hommes à moi, à des aides, qui font, à la gare de Lyon, office d'homme d'équipe. En souriant, Zygomar ajouta: cette caisse d'or qu'on voulait soustraire à la convoitise de Zygomar, on vient de la remettre très précieusement aux mains de Zygomar. Mais comme nous ne pouvons, la gare étant très bien gardée, je le proclame, prendre en livraison du colis à Paris, nous sommes obligés de courir l'aléa d'un petit voyage, jusqu'au point par nous choisi pour entrer définitivement en possession de cette caisse. C'est donc pour prévoir les hasards qui peuvent surgir au cours de ce voyage que vous êtes ici. Si l'un de nous est pris, ce qui n'est pas impossible, Darling répondra de sa mise en liberté. Voici ce que vous, Miss Eden, en qui à juste titre Paulin Broquet a foi, comme un dieu, une déesse de charme et de beauté, voici ce que vous devrez faire connaître au détective, le cas échéant. Chaque jour de retard dans la mise en liberté de l'homme de Zygomar arrêté sera compté par une souffrance nouvelle de Darling. Pourquoi vous attaquez à cet enfant? S'écria Miss Eden. Ne sentez-vous pas l'odieux de votre acte, l'infamie de cette machination? Pardon, cher ami, vous parlez à Zygomar, et je suis le maître terrible et implacable. Ne perdons pas de temps en vaines discussions qui ne pourront modifier ma décision. Mais ne suis-je pas là, moi? Et ne pouvez-vous, moi, me prendre comme otage et sur moi essayer vos tortures? Zygomar sourit. Mais c'est bien vous qui êtes notre otage. Seulement nous connaissons votre héroïsme. Aucune souffrance physique ne viendrait à bout de votre admirable énergie. Aussi pensons-nous vous torturer en votre enfant. C'est, si je puis ainsi dire, en cet enfant uniquement que vous êtes sensible et que votre âme peut faiblir. Ah, vous êtes toujours le même misérable. Non, pas le même. J'ai progressé, vous verrez. Lâche. Veuillez me laisser poursuivre. Le temps nous presse, je vous l'ai dit. Il me faut en outre un bon ambassadeur, un bon avocat. Puisse négocier avec Paulin Broquet et gagner la cause du prisonnier. Envoyez-vous un meilleur que la mère de Darling? Non, n'est-ce pas? Alors, se tournant vers Thorntwig, montrez donc, cher ami, les petits accessoires destinés à cette mignonne Darling. Thorntwig ouvrit les deux battants d'une grande armoire normande. Miss Eden jeta dans l'armoire un rapide coup d'œil et poussa aussitôt un grand cri d'épouvante. Elle reconnaissait tous ses instruments de supplice. Non, s'écria-t-elle. Vous n'oseriez pas employer cela pour Darling. Hélas. Si nous y sommes forcés, nous le regretterons. Enfin, espérons que nous n'en aurons pas besoin. Mais si nous devons faire appel à tous ces joujoux, leur emploi dépendra de vous, de Paulin Broquet. Désignant les objets du doigt. Voici les verges, qu'on trempe dans de l'acide oxalique. C'est pour le premier jour. Voici le fouet dont on gratifie les apaches anglais. Les résultats sont merveilleux. Voici des tenailles qui déchirent les chairs, puis la garotte, dont a goûté votre ami Paulin Broquet, où l'on brille si doucement les membres. Voici pour couper un nain les doigts en les tirant par les ongles. C'est un amusement chinois. Voici pour brûler lentement les yeux, pour percer les oreilles, enfin, tout un arsenal de bourreaux raffinés, comme n'en connut pas l'Inquisition, dont les moyens de sauver les âmes, au nom du Dieu de bonté, de pardon et de justice, était d'une brutalité sauvage. Vous avez bien vu, vous avez bien compris. Si l'un de nous tombe dans les mains de Paulin Broquet, vous irez demander sa mise en liberté. Chaque jour de détention vaudra, Darling, l'application d'un supplice nouveau. Mais Sidon était devenu pâle. « C'est infâme, c'est odieux. Non, c'est un bon moyen, croyez-moi. Et je suis certain qu'au bout de 2 jours, si vous plaidez bien la cause, Paulin Broquet rendra le Z à la liberté, même, cher ami, même si c'est Zigomar le prisonnier. » Refermant l'armoire, Zigomar ajouta, « Ou alors ce que Paulin Broquet ne veut rien faire pour vous être agréable, c'est que Paulin Broquet ne vous aime pas, et ce n'est pas le cas. Donc, rien ou peu de choses à craindre pour Darling. Il se peut que Paulin Broquet, homme de devoir, ait à choisir entre sa conscience professionnelle et son cœur. Tout me fait croire qu'il écoutera son cœur, et entre nous, il aura grandement raison, car il n'est pas un Z, du plus petit au plus grand, dont la peau vaille la tendresse de Darling, l'affection de Miss Eden. » Comme Miss Eden, de son fin mouchoir de dentelle, essuyait son front ruisselant, Zigomar ajouta, « Mais je le répète, je crois que ces précautions seront inutiles. Nous pouvons dès ce moment considérer Paulin Broquet comme battu. Franchement, il n'est pas de taille. Voyez, cher ami, ceci dit pour vous rassurer sur l'issue de cette dernière rencontre, comme je l'ai vaincu tout à l'heure. Paulin Broquet a minutieusement préparé l'enlèvement de Darling dans la pâtisserie. Il était cependant bien facile de la prendre à gage. Je ne la faisais surveiller que de loin, pour qu'il ne reconnût pas un de mes hommes, n'éventât pas le stratagème, ne reconnut pas Darling grâce à son étrange ressemblance avec sa mère. Que fait Paulin Broquet ? Pour enlever une enfant, il arrête la circulation dans tout un quartier de Paris. Il affrète son auto et en fait une ambulance. Pour rassurer les braves shippers, il fait jouer à un de ses hommes le rôle de la dame en deuil. Ça a l'air très malin, ça l'est en effet. Mais Zigomar a tout vu, tout prévu. À vrai dire, la dame en deuil a manœuvré sans moi. Flore, votre ennemie, voulait sa revanche. Elle voulait se venger de vous et comme je m'y opposais, elle a agi malgré ma défense. Flore avait surpris le secret de la villa de Garches, reconnu Darling. Elle a amadoué les shippers, comptant arriver à leur enlever Darling. Pour cela, elle a soudoyé des hommes qui, tant à moi, ont fait semblant de me trahir et qui, en lui obéissant, marchaient selon mes instructions. Voilà pourquoi la voiture de Flore, qui ressemblait à celle de Paulin Broquet, fut conduite par mes aides ici. Quant à celle de Paulin Broquet, dans laquelle se trouvait un homme en dame, en deuil et ma pipe au volant, elle est quelque part dans une des fondrières dont la municipalité bienveillante a orné la ville de Paris. Ce sera demain un fait divers dans la presse. Des hommes à moi ont eu l'adresse de saboter la voiture et quelque peu la dame en deuil et ma pipe, qui sont à l'hôpital. Paulin Broquet l'ignore encore. Il a cru que mes hommes étaient les siens, que la dame en deuil était la sienne, que ma voiture lui appartenait. Et il a très adroitement, avec une conviction admirable, une habileté que je proclame merveilleuse, mise entre les mains de Zigomar Darling et Miss Eden. Est-ce bien joué ? Vous êtes très fort, je le sais. Zigomar s'inclina pour remercier Miss Eden de ce compliment, puis il dit « Quant à cette femme, elle vous haïssait parce qu'elle m'aimait, et elle croyait que c'était chez vous que je passais les nuits toutes consacrées à ma mission. Mais sa jalousie devenait gênante, obsédante. Elle me causait des ennuis. Je voulais depuis longtemps me débarrasser de cette tigresse, qui d'ailleurs n'avait plus aucune fortune. Vous m'avez rendu ce signal et service demandé faire, je vous remercie. » Elle avait déjà essayé de vous faire assassiner avec Paulin Broquet par son ancien amant Fungetti, le champion du macaroni. Elle a voulu vous défigurer. Enfin, elle avait tous les torts. Vous l'avez très convenablement tué, tout est pour le mieux. Cette nuit, on ira jeter le corps dans la Seine. Un beau jour, on le repêchera aux environs de Saint-Cloud, de Suresnes, près du barrage qui, de nos jours, dans les histoires tragiques, a remplacé les fameux filets, lesquels n'ont jamais existé, qui furent si chers aux romanciers du temps de mon illustre maître Rocambole. Ce sera un nouveau problème posé à la police, et je gage que Paulin Broquet, s'il est encore détective, ne manquera pas de mettre la victime de Miss Eden sur le compte de Zigomar. Alors, saluant Miss Eden, il prit congé. « Maintenant, fit-il, allons où le devoir nous appelle. Vous, cher ami, soyez tout à votre Darling. Je dois vous prévenir qu'ici, vous êtes chez vous, absolument. Vous y trouverez tout ce dont vous vous serviez dans la villa mystérieuse. Tout vous y est permis, sauf d'en sortir. Mes gens sont vos esclaves, mais ils vous gardent. » Et Zigomar se retira avec Tom Twig.